1963, pour les fans de la pop musique, c'est l'avènement de la Beatlemania et c'est déjà la découverte du rhythm and blues avec le finger tips du petit Stevie Wonder qui entre au hit parade américain durant l'été. En France, Françoise Hardy est apparue. Sheila et Claude François monopolisent les antennes pendant que la soviétique Valentina Terechkova, première femme cosmonaute, tourne dans l'espace. Thank you. wanna swing a song, yeah. Just a one more time when I come back. Just a one more time when I come back. So goodbye. Radio, Collet Branché avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Premier succès, premier 45 tours pour le groupe en novembre 1963. Adaptation contre version originale, vous retrouverez nos trois matchs. À l'aide de quelques 45 tours, nous évoquerons également le hit parade de juin 1962. Et notre coin du spécialiste cet après-midi sera consacré à Pascal Danel. C'est ce que vous pourrez retrouver si vous décidez de rester en notre compagnie. Merci de votre choix. Excellent après-midi sur Radio Gemozo. 1961. L'infatigable 4L fait son apparition et va conquérir les routes de France et de Navarre, les villes et les campagnes. Jean Gabin ressemble à s'y méprendre au président, aux côtés de Bernard Blier. Marlon Brando, dur et tendre, incarne la vengeance au dévisage. Et chaque fois, Ernest Hemingway, ivre de gloire, se donne la mort, les canons de Navarone tonnent. Les Américains envoient à leur tour un homme dans l'espace, Alan Shepard. Fidèle à sa tradition chevaline, Hermès lance le parfum Calèche. En France et en Algérie, le peuple vote sur l'autodétermination et le cessez-le-feu. Le oui l'emporte à 75%. Brigitte Bardot mène sa carrière la bride sur le coup. 30 000 cas annuels de délinquance juvénile, la France découvre ses blousons noirs. Braun invente le sextant. La cellule photoélectrique fait son apparition dans la vie de tous les jours. Le free jazz énerve déjà les parents. Et paraît-il, les chaussures se modernisent grâce à M. André. Philippe, pour qui, pourquoi, mais pour votre plaisir, tout simplement. Durant la période militaire d'Elvis Presley, on change de sujet là bien sûr, Fabian et quelques autres prétendirent prendre la place d'Elvis Presley. Il n'en fut rien puisque dès son retour, le King y reprit sa place et tout naturellement. Turn them loose, so go on every day. That's the kind of life for me. There's one thing I wanna be, and that's a hound dog man. Hound dog man, I wanna be a hound dog man. I wanna get up in the morning, yeah, with the rising sun. I'm gonna stay right on that trail till the day is done. I think that I'm old enough. I'm young in years, but I'm mighty tough. I like a hound dog man. I'm looking for a girl, a little waiting when I come home. She's gonna meet me with a kiss. She's gonna be gone. And every time I go, she's gonna miss me. a mean more and more. She's gonna have a tear in her eye, the time's gonna pass so slow. That's the kind of life for me. There's one thing I wanna be, and it's I'm no man. I'm no man. Fabian Hotdogman, un des chanteurs américains qui a essayé donc de prendre la place d'Elvis Presley pendant son service militaire. Quittons donc l'Amérique pour la perfide Albion, où les Yardbirds figurent parmi les premiers groupes anglais à avoir fait connaître puis apprécier toute la richesse du blues à une jeunesse qui, au début des années 60, n'avait jamais entendu parler ni de Muddy Waters, ni peut-être même de Bo Diddley. Les Yardbirds ont compté dans leur rang trois des plus grands guitaristes de l'époque. Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page sont sans doute les trois plus grands solistes anglais qui, avec Jimi Hendrix, ont totalement bouleversé le jeu guitaristique. Deep in dark despair, thinking one thought only, where is she, tell me where? And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea. And I know, well, if she had me back again, well, I would never sad. I'm not a heartful soul. Sad. I got a heart full of soul. She's been gone such a long time, longer than I can bear. But if she says she wants me, tell her that I'll be there. And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea. And I know, well, if she had me back again, well, I would never make her sad. I'm not a heartful soul. Full of Soul, c'était les Yardbirds de Jeff Beck. Eric Clapton venant juste de quitter le groupe. Jackie Seven est né en juillet 1944, le 7, d'où son nom de Seven. Remarqué au festival de jazz de Comblain-la-Tour, cette adolescente belge sort un premier 45 tours sur lequel figure notamment Blue Jean Reich. Blue Jean? Blue Jean? Rock and roll. Ah, Blue Jean, bien que l'on, on va gaiement danser le rock and roll. Hey, yeah, hey, yeah, le rock and roll. Blue Jean, Blue Jean, hey, rock and roll. On a la même passion, fille ou garçon, pour le Blue Jean, c'est rock. Hey, yeah, hey, yeah, Blue Jean, c'est rock. Ou petit, de debout, de midi, diplômé ou récalé, rien jamais Salut les 60, le plein de nostalgie sur Radio Gémozo. Combien de temps, dis-moi, il va me falloir rester chez mes parents? Aussi longtemps que je ne pourrai pas gagner assez d'argent. Oui, mais voilà combien de temps il me faudra pour en gagner. C'est ce que mon père n'arrête pas de se demander. Combien de temps faut-il pour aller jusqu'à Dallas? Ça dépend d'où tu pars, de New York ou de Las Vegas. De toute façon, la question n'est pas tellement d'y partir. Le plus difficile, je crois, c'est d'en revenir. Combien de temps les garçons m'ont-ils porté les cheveux longs? Là-dessus, je t'avoue que je n'ai pas d'opinion. Combien de temps les filles vont-elles s'habiller court? Le plus longtemps possible, car la vois-tu, je suis plutôt pour, yeah! Combien de temps va-t-il falloir pour dépasser l'univers? Pour le savoir, il te faudra compter en années-lumière. Mais ce n'est pas ça qui me fera changer de peau et qui m'empêchera de payer un jour des impôts. Autant d'y penser, une composition originale de Monty pour Eric Saint-Laurent dans la veine Rhythm and Blues de 1966. Adaptation, contre version originale, c'est l'heure de notre premier match sur Radio Gémozo. We come on in the sloop, John B. My grandfather and me. So broken, I wanna go home. So I Les garçons de la plage, les Beach Boys, Sloop John B, c'était la version originale. La version française est interprétée par Sylvie Vartan et ça donne ceci. J'ai dit ton bateau revient, 3 ans ce n'est pas rien. Es-tu fier de toi, Mr. John B? Cherches-tu sur le quai là-bas? Oh, on n'attend pas un garçon comme toi. Pour toi, pas de carillonneur, pas de collier de fleurs. Ici, ce n'est pas Tahiti, Mr. John B. Cherches-tu sur le quai là-bas? On n'attend pas un garçon comme toi. Ton sac à l'air à porter, tu t'es bien débrouillé. Mais as-tu gardé tes mains propres, dit Mr. John B. Cherches-tu sur le quai là-bas? Oh, on n'attend pas un garçon comme toi. La rose des vents, tu l'as effrayée. L'alcool a coulé, l'argent a passé. Tu dis je t'aime dans toutes les langues, Mr. John B. Cherches-tu sur le quai là-bas, Mr. John B? N'attends pas un garçon comme toi. Aujourd'hui ton bateau revient, alors tu te souviens qu'une fille t'attendait d'ici, Mr. John B. Pourtant sur le quai, regardez-les là. Un garçon comme toi ne la mérite pas. Aujourd'hui ton bateau revient, alors tu te souviens. Remember the golden charts of the 60s. It was a smash. La France déclare ne pas s'opposer à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Par contre, Kennedy s'annonce hostile au développement nucléaire en France, ce qui n'empêcha pas Michel Jazy de battre le record du monde du 3000 mètres en 7 minutes, 49 secondes et 2 dixièmes. Nous sommes en juin 1962 et Richards and Sherman Hart rentre à la 41e place du parade. Unchain my heart, unchain my heart, baby let me be. Unchain my heart, cause you don't care about me. Unchain my heart, you got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, unchain my heart, let me go my way, unchain

et une 17e place pour les Vautours, tandis que Norbert Casseteret atteint la côte moins 845 dans le gouffre de la Pierre Saint-Martin. Johnny Hallyday, avec cette reprise du I Got a Woman, atteint lui la 6e place du hit parade de juin 1962. A woman way out of town, she's good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way out of town, she's good to me. Oh yeah. Well, she's my baby, don't you understand? Yeah, I love a man. You know I got a woman way across town, she's good to me. Oh yeah. Well, she's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the street, leaving me alone. She knows a woman plays right down in her home. I got a woman way out of town, she's good to me. Oh yeah. See, I got a woman way out of town, she's good to me. She's good to me. Me both day and night. Fine. Never grumbles or fusses, always treats me right. Fine. Never running in the streets, leaving me alone. Fine. She knows a woman plays it right down on in her home. Got a woman way out of town, she's good to me. Oh yeah. See, I got a woman way across town, she's good to me. Oh, she's good to me. Oh, yeah. I don't see no solid white. She's solid white, she's solid white. Oh, right. She's solid white, she's solid white. Oh. Johnny Hallyday, I Got a Woman, 6e. Johnny Hallyday bien présent dans ce hit parade de juin 1962, puisqu'il s'octroie également la première place avec Retiens la nuit. Il précède la pétulante Petula Clark, 3e avec son Yaya Twist, et la leçon de twist de Richard Anthony, qui rentre ce mois de juin 1962 directement à la 2e place du hit parade. De tous côtés on n'entend plus que ça, un air nouveau qui nous vient de là-bas, un air nouveau qui vous fait du dégât, et comme moi il vous prendra. C'est une danse au rythme merveilleux, à danser seul à quatre ou bien à deux. Pas besoin de doux regard dans les yeux, y'a simplement qu'à être heureux. Devant et les deux mains fermées, légèrement penchées sur le côté, sans oublier aussi de pivoter, encore un effort vous l'avez. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, twistez, twisté comme on vous a montré. Je suis certain vous gagnerez. Hey! Sauter de temps en temps, ensuite vous vous baissez très lentement, tout en conservant le balancement. Ça y est, vous l'avez maintenant. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Voilà bien, changez rien, la parfait, vous twistez. Hush, little baby. It's only rock and roll, and rock and roll is good for your soul.

woman, she's a one-man woman, that's what I like. Got a wishy-washy woman, change your mind every night. But my girl is red hot, your girl ain't too late. Yeah! My girl is red hot, your girl ain't too late. Well, she ain't got no money, but man, she really got a lot. Avec Gérard, c'est vraiment bon. Well, I'm old enough to chick and old enough to rock the bar. Oh, well, I'm old enough to cheek and old enough to rock the bar. I got all my swingy jeans and I'm looking for a dream, 'cause I'm old enough to rock the bar. I like the sax when it starts to scream. Man, I'm gone and I dig the scene. The drummer in the band is a setting the beat. And I'm sitting here with the itchy feet, because I'm old enough to cheek and old enough to rock the bar. Well, I'm old enough to cheek and old enough to rock the bar.

pièce Loti tue, l'un des titres les plus courts avec le jeu de Daniel Gérard. Hugo Frey, adieu monsieur le professeur, le temps pour nous de méditer cette pensée de Pascal. Personne ne parle de nous en notre présence, comme il en parle en notre absence. Les enfants font une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. L'assistance se lève une dernière fois, les enfants vont chanter. Octobre 1965, le premier voyage du pape aux USA. Son discours de paix à l'ONU est très applaudi. 2 millions d'Américains lui font un accueil chaleureux. Train from Kansas City, les Sangrila nous invitent musicalement à prendre le train pour Kansas City. Never do anything to you. Allez, après ce voyage en train, je vous propose de poser vos valises et de reprendre votre souffle. Dans quelques minutes, vous retrouverez notre coin du spécialiste consacré cet après-midi à Pascal Danel. Mais juste avant, nous aurons Billy Joe Royal, Hush. Na, na, na, na, na, na, na. She body, she looks so fine. She's the best girl that I've ever had. Well, sometimes it sure makes me feel so bad. Na na na na, na na na na na na. Hush, hush. I thought I heard her calling my name. Now hush, hush. She broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush. I thought I heard her calling my name. Now hush. I need her loving and I'm not ashamed now. Early in the morning, late in the midnight, I want it and I need it now. Got to have it. She's got love that's like quicksand, and all it took was a touch of her hand. It blew my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all and I can't sleep. Na na na na, na na na. Hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush. She broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush. I thought I heard her call my name. Now hush, hush. I need her loving and I'm not ashamed. Now early in the morning, late in the evening, I want it and I need it, y'all. Got to have it. Hush, hush. I thought I heard her calling my name. Now hush, hush. She broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush. Didn't y'all hear her call my name? Now hush, hush. I need her loving and I'm not ashamed. Now wild in the morning, late in the evening, I want it and I need it now. Got to have it. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne-les-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Jean-Jacques Pascal est né le 31 mars 1944 à Paris. Abandonné à sa naissance, il se souvient du dernier foyer où il a été placé à Anel dans les Ardennes et se baptise Pascal Danel. Devenu funambule à moto et immobilisé suite à une chute, il apprend la guitare. Son premier disque, sorti en 1963, lui permet surtout de se faire remarquer par Lucien Maurice, qui le signe sur le label AZ. Deux ans plus tard, Je m'en fous, hop là, tu m'as vu, et surtout La plage au romantique tire Pascal Danel de l'anonymat, et il est plusieurs fois en tête des hits parades. En 1966, il est de nouveau numéro 1 avec Les neiges du Kilimandjaro, qui connaîtra plus de 100 versions à travers le monde. Jalonné de succès, sa carrière se poursuit jusqu'au cœur des années 70. En 1980, après un 9e passage à l'Olympia, Pascal Danel se tourne donc vers la production. Quel jour est-on ? Je n'en sais rien. Ça change du jour au lendemain. Les heures tournent, toujours pareil. Oui, mais je n'ai jamais sommeil, car je m'en fous. Oui, je m'en fous. Hop ! Tout est bien triste autour de moi, dans cette ville que je n'aime pas. La neige tombe sur les toits. Moi je suis tout seul et il fait froid. Et je m'en fous. Oui, je m'en fous. Je marche seul dans la nuit noire. La lune est pâle comme un espoir. Et la fille que je devais voir n'était pas au rendez-vous ce soir, mais je m'en fous. Oui, je m'en fous. Je m'en fous. Et je m'en fous. J'ai pas une cigarette sur moi. Et il fait de plus en plus froid. Le vent efface tous mes pas. Une fille toute seule passe près de moi. Mais je m'en fous. Oui, je m'en fous. Je m'en vais tout seul au hasard. Pour vivre, il n'est jamais trop tard. J'arrive à ne plus rien y voir. Avec tout l'alcool que j'ai pu boire. Mais je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Et hop là, tu as vu. Regarde l'amour, tu le vois passer. Regarde-le bien, je vais l'arrêter. Et hop là, tu as vu. Regarde la nuit qui va s'éclairer. Regarde mes yeux, tu les vois briller. Et hop là, tu as vu. Ah, il serait temps de l'avouer. Il serait temps même d'y penser. Essaye un peu de me regarder. Et oui, je veux t'aimer. Et hop là, tu as vu. Regarde l'amour au fond de mes yeux. Regarde le ciel, je suis amoureux. Et hop là, tu as vu. Regarde l'ennui, tu vas l'oublier. Regarde le temps comme il va passer. Et hop là, tu as vu. Oh, il serait temps de l'avouer. Il serait temps même d'y penser. Essaye un peu de me regarder. Et oui, oui, je veux t'aimer. Allez. Et hop là, tu as vu. Regarde l'amour, il le fait pour nous. Regarde le bien, il en est jaloux. Et hop là, tu as vu. Regarde la vie comme je veux l'aimer. Regarde-moi bien, je vais t'embrasser à plat. Tu as vu? Oh, il serait temps de l'avouer. Il serait temps même d'y penser. Essaye un peu de me regarder. Oui, je veux t'aimer. F, L, A, S, H, B, A, C, K, flashback. Le soleil s'est caché quand la nuit est tombée. Et toi, je te cherche partout. Je vais devenir fou, devenir fou. Je voudrais t'oublier, j'ai envie de pleurer. Il n'y a non plus rien entre nous. Je vais devenir fou, devenir fou. Et le sert de pleurer. Car toi, tu ne m'aimes plus du tout. Je vais devenir fou, devenir fou. Comme il faut se quitter, j'aimerais t'embrasser. T'embrasser tendrement dans le cou. Une fois encore et puis c'est tout. Il y avait sur une plage une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage de grosses larmes qui coulait. Laissons la plage au romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Laissons la plage. Je veux t'aimer à mon idée. Cette plage au clair de lune était triste à pleurer. Elle était si loin la dune, comme le temps a passé. La plage au romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Laissons la plage au romantique. Je veux t'aimer. Mon idée. Et mes mains sur son visage l'ont soudain consolé. Il restait la belle image d'une fille qui riait. La allez viens. Veux-tu m'épouser? Radio Gémozo, les bons moments ont toujours une musique. Quand tu avais le goût du vin, du vent du sud sur l'Estérel, du vent qui couche les oiseaux blancs qui viennent du nord à tire-d'aile. Tu avais le goût du ciel, du bleu du ciel sur la Provence, quand il se fond sur l'Estérel, au soir couchant dans le silence. Tu ne sais plus prendre le temps de voir les vagues, de voir le vent. Tu ne sais plus prendre le temps, tu ne sais plus que je t'attends. Quand tu savais que les bateaux viennent du sud vers les rivages avec des voiles qui flottent, avec des voiles et des cordages. Tu ne sais plus prendre le temps de voir les vagues, de voir le vent. Tu ne sais plus prendre le temps, tu ne sais plus que je t'attends. Elle te fera un blanc manteau.

Leslie Kerr, Is Me Parry, adaptation contre version originale. De suite, notre deuxième match sur Radio Game Ozo. Singer, c'est la version originale, l'adaptation. On la retrouve dans le répertoire de Dick Rivers sous le titre Sarah James, et ça donne ceci. Il est venu un soir dans ce bar, il a chanté, le vieux chanteur avec sa guitare qui fait rêver. De Sarah Jane, il était question tout au long de cette chanson. C'était l'histoire d'un amour heureux que l'on veut trouver. Chacun de nous, au fond de son cœur, en a rêvé. Souvent le soir, en sortant de là, je l'ai chanté. Et Sarah Jane alors fit partie des jours de ma vie. En espérant rencontrer l'amour, je l'ai chanté. Vu un soir dans un bar où il chantait, le vieux chanteur avec sa guitare qui fait rêver. De Sarah Jane il était question, rien n'avait changé sa chanson. C'était l'histoire d'un amour heureux que l'on veut trouver. Regardez tout autour de moi ce qui

dare to cry in vain. Say, Bo Diddle, you know you're not your own man. I say, I love you, baby, with all my heart. Please don't never say we're apart. Bold Dilly, Bold Dilly, here's our sea. I wanna know if you do love me. Dans Dilly Daddy, Bob Dilly utilise les célèbres réponses, appels-réponses du gospel. En fait, Dilly Daddy n'est pas loin d'être le premier morceau de soul music. Nino Ferrer et France Gall, Attends ou va-t'en, c'est à suivre sur Radio Guémozo. Y al s'occupe du téléphone. Gaston, y'a le téléphone qui sonne et y'a jamais personne qui y répond. Sacré Gaston, faut toujours qu'il fasse des siennes. Nino Ferrer, le téléphone, le tout, c'était en 1967. Dans quelques instants, nous nous quitterons, mais notez-le, on se retrouve lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission et dimanche dès 10h pour la rediffusion de l'émission d'aujourd'hui. Salut les 60, ravi d'avoir passé ces 2 heures en votre compagnie. Excellente semaine sur Radio Guémozo.